Appillon est un écrivain grec qui vécut à Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Nous savons que les anciens Grecs portaient un anneau à la main gauche, au doigt voisin du plus petit. Le même usage devint, dit-on, général chez les Romains. Voici la cause qu'en rapporte Appillon dans ses Égyptiaques. En disséquant les corps humains, selon la coutume égyptienne, la science, appelée par les Grecs anatomie, fit découvrir un nerf très délié, partant de ce seul doigt pour se diriger vers le cœur, où il vient aboutir. Et l'on accorda cette distinction à ce doigt à cause de ce lien, de cette espèce de rapport qui l'unit au cœur, la partie noble de l'homme.